Alors, maintenant, je voudrais que vous arriviez à manier avec aisance toutes les formes du verbe potere, pouvoir, et aussi celle de devoir, qui équivaut en italien à dovere. Dovere, oui. J'ai choisi ces deux verbes parce que ce sont des verbes que l'on emploie tous les jours. Comment dites-vous « je peux » ? Posso. Posso, oui. Et ils peuvent ? Possono. Possono. C'est ça, oui. Posso vous amène à possono. Possono. Ils peuvent ou elles peuvent. Comment dit-on « nous pouvons » ? Possiamo. Possiamo, oui. Et tu peux, comment dites-vous ça? Puoi. Puoi, c'est ça. Et donc, peux-tu me le dire? Se dira? Puoi dirmelo. Puoi dirmelo, Et pouvez-vous le faire si vous vous voyez votre interlocuteur? Comment diriez-vous ça? Puoi farlo. Puoi farlo, oui. Et de nouveau, pouvez-vous le faire, mais cette fois en vous adressant à voi. Potete farlo? Potete farlo, tout à fait. Parce que pour arriver à voi, on part de l'infinitif. Potere, potete. Maintenant, comment diriez-vous « je pourrais le faire », c'est-à-dire un futur? Potrò farlo. Potrò farlo. Bien. Maintenant, dites-moi le contraire. Je ne pourrai pas le faire comme ça. Non potrò farlo così. Non potrò farlo così. C'est ça. Comment dit-on « il pourra le faire » ? Potrà farlo. Potrà farlo, oui. Et comment dites-vous « ils pourront le faire » ? Rappelez-moi d'abord la terminaison du « il » ou du « elle » pluriel au futur. Le futur a des terminaisons caractéristiques. Ro, rai... Ah oui, ranno. Oui, ranno pour le « il » ou le « elle » pluriel. Donc, « ils pourront le faire » se dit... Potranno farlo. Potranno farlo, oui. Comment dit-on « vous pourrez le faire, madame » ? Potrà farlo, signora. Potrà farlo, signora. Bien. Et tu ne pourras pas le faire? Non potrai farlo. Non potrai farlo. Très bien. Comment dites-vous, nous pourrons le faire? Potremo farlo. Potremo farlo. Oui. À ne pas confondre avec nous pourrions le faire, qui se dit... Potremmo farlo. Potremmo farlo. Bien. Avec deux M que l'on prononce bien distinctement. Revoyons maintenant les temps du passé. Comment diriez-vous « nous ne pouvions pas rester » ? Nous. Non potevamo. Non potevamo. Bien. Non potevamo restare. Oui. Non potevamo restare. Et je ne pouvais pas y aller. Comment diriez-vous ça? Non potevo andarci. Non potevo andarci, c'est ça. Dans une phrase comme « même si je voulais, je ne pourrais pas y aller ce soir », comment dites-vous « je ne pourrais pas y aller ce soir » au conditionnel? Non potrei andarci stasera. Non potrei andarci stasera. Bien. Revenons un peu au présent. Comment diriez-vous, pouvez-vous me le dire en vous voyant votre interlocuteur? Può dirmelo. Può dirmelo. C'est ça. Et si vous le tutoyez, peux-tu me le dire? Puoi dirmelo. Puoi dirmelo. Oui. Maintenant, vous parlez à plusieurs personnes, c'est-à-dire voi, et vous leur demandez « pouvez-vous me le dire ?» Potete dirmelo. Potete dirmelo. Bien. Comment traduiriez-vous « madame, pourriez-vous me le dire ?» Signora, potrebbe dirmelo? Potrebbe dirmelo, c'est ça. Nous avons vu que la forme utilisée pour le vouvoiement est aussi celle qui correspond au « il » ou « elle » singulier. Maintenant, comment diriez-vous « il pourrait me le dire »,« il » au pluriel ? Potrebbero dirmelo. Bien sûr, potrebbero dirmelo. Et si vous tutoyez votre interlocuteur, pourrais-tu me le dire, se dit Potesti. Potrei. Potresti. Oui, ici au conditionnel, c'est le R qui est le son caractéristique. Potresti dirmelo. Potresti dirmelo. Bien. Maintenant, vous vous adressez à plusieurs personnes, c'est-à-dire voi, et vous leur dites, pourriez-vous me le dire? Poteste. Vous oubliez encore le R caractéristique du conditionnel. Potreste dirmelo? Potreste dirmelo, oui. Voilà, nous avons revu le conditionnel du verbe potere. Potrei, je pourrais. Potresti, tu pourrais. Potreste, vous pourriez au pluriel. Potrebbe, il ou elle pourrait, au singulier, ou vous pourriez, quand on vous voit son interlocuteur. Potrebbero, il ou elle pourrait, au pluriel. Potremmo, nous pourrions. Mais il y a une autre forme du conditionnel, une forme avec plongeoir, qui donne « j'aurais pu »,« tu aurais pu », »,« il aurait pu », etc. Comment diriez-vous « vous auriez pu me le dire » si vous vous voyez votre interlocuteur? Avrebbe potuto dirmelo. Avrebbe potuto dirmelo. Très bien. Vous auriez pu me le dire. Et sur le même modèle, j'aurais pu te le dire? Avrei potuto dirtelo. Avrei potuto dirtelo. Tout à fait.